ilhad. Par exemple, dans Sourate Al-Hajj, verset 25, وَمَا يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ فَسَمَّ اللَّهُ الْمَعَاصِ وَالظُّلْمِ إِلْحَادًا لِأَنَّهَا مَيْلٌ عَمَّا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الْإِنسَانِ. Pourquoi est-ce qu'on a appelé les péchés ilhad? Car la personne aura dévié de ce qu'elle devait faire. Voici ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité concernant ce chapitre.